10 1, mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez, suivant les indications. Mireille, ses sœurs, son cousin Georges et sa cousine Yvonne sont en vacances en Bretagne. Il pleut. Ils jouent au portrait pour passer le temps. Oh, quel temps, c'est pas vrai. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Dire qu'à Paris, il fait beau. Ça, c'est bien notre chance. Alors, c'est bien la personne dans le portrait de Georges tout à l'heure. Le l'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds, tout le portrait de sa deuxième fille. Qui nous embête. Mais je veux savoir qui c'est. Il joue au portrait. Pour passer le temps. Il joue au portrait pour passer le temps. Pourquoi est-ce que Mireille, ses sœurs et ses cousins jouent au portrait? Pour passer le temps. Quel temps? C'est pas vrai. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Quel temps! C'est pas vrai! Ça fait 3 jours qu'il pleut! Et dire qu'à Paris, il fait beau. Il fait beau. Et dire qu'à Paris, il fait beau. Est-ce qu'il pleut aussi à Paris? Non, à Paris, il fait beau. C'est bien notre chance. C'est bien notre chance. Qui c'est? Alors, qui c'est? Tu nous embêtes! Je veux savoir qui c'est. Bon, regarde Mireille. Elle a l'air distinguée? Ouais. Est-ce qu'elle a les mains fines? Ouais. Est-ce qu'elle a les yeux bleus? Ouais. Est-ce qu'elle a les cheveux blonds? Oui. Alors c'est Mireille. Est-ce que tu peux être bête? Écoute, tout le portrait de sa deuxième fille. Est-ce que Mireille a des filles? Ben non. Alors c'est pas Mireille. C'est quelqu'un qui a une fille, qui a l'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds, comme Mireille. Alors c'est maman? Voilà, c'est ça. Ah. Alors on continue? Oh, ça suffit comme ça. Non, j'aime bien. Oh, c'est difficile, mais c'est amusant. Est-ce que tu peux être bête? Écoute. Est-ce que Mireille a des filles? Est-ce que Mireille a des filles? C'est quelqu'un qui a une fille. Une fille qui a l'air distinguée. Une fille qui a l'air distinguée. C'est quelqu'un qui a une fille qui a l'air distinguée. Oh, ça suffit comme ça. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Est-ce que Mireille veut continuer à jouer? Non, ça suffit comme ça. C'est difficile, mais c'est amusant. C'est difficile. Mais c'est amusant. Pourquoi est-ce que Marie-Laure veut continuer à jouer? Parce que c'est amusant.